raison, José, quand on regarde les stats, ça donne raison aussi. Le nombre de personnes qui sont pas des fils de présidents, qui ont été tués dans des écoles, il y en a quasiment pas, hein? Alors que des fils de présidents tués, il y en a plein. Il y en a au moins une fois par année. Mais toi, tu penses que les enfants de Barack Obama devraient pas être protégés? Non. J'ai pas ça, mon discours. Protégeons. C'est dans chaque école qu'il devrait avoir des armes. Protégeons les enfants d'Obama. Mais protégeons aussi les enfants de M. et Mme Smith. Pas le film, là. Je dis ça dans le sens, monsieur et madame tout le monde. Jane dans la tête encore. Monsieur et madame tout le monde. Ben oui, pourquoi pas. Il n'y en a jamais eu d'attentats contre les enfants de président, jamais. Des exemples des écoles, on en a plein. Ils sont tellement protégés aussi. Pensez-y, qui oserait... Ben, quel bon point, José. Mettons les gardiens armés dans les écoles, ils vont tellement être bien protégés. Non, moi, qui oserait? Non, mais tu me donnes plein d'arguments. Non, mais ben, non, mais tu m'aides, que ça marche peut-être pas. Les gens sont capables dans ton de but. Faire la différence. Tu marques dans Sylvain. Ton but, José. Non, ça ne marche pas à tout. C'est grossier, l'exemple que tu donnes. Qui oserait s'attaquer? Tu savais que tous les tueries dans les écoles aux États-Unis ont lieu dans ce qu'ils appellent des écoles gun-free zone. Parce qu'il y en a des écoles avec des gardiens armés. Il y en a eu combien de tueries? Non, moi, regarde. Moi, c'est très zéro. Simple, là. Moi, je suis contre, là.